Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Pour ma part, je travaille au ministère de la Transition écologique à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, dont la DEB et la DHUP font partie. Mais aujourd'hui, je prends la parole au titre de l'association Fonction publique du XXIe siècle, FP21 de son petit nom. Alors très rapidement, FP21, l'idée de cette association qui existe depuis 2017, c'est de rassembler les jeunes agents publics, quel que soit leur versant, leur catégorie, leur statut, parce qu'on s'est rendu compte, ou en tout cas on s'est interrogé sur le fait qu'il y avait peut-être sur certains sujets une vision générationnelle. Nous, on n'aime pas parler de conflits, on n'est pas assez convaincus que ce soit réellement des conflits entre générations. Mais en tout cas, on s'interroge sur le fait qu'il n'y a pas peut-être une certaine vision générationnelle sur certains sujets et sur un prisme plus large qui est celui de réfléchir aux mutations finalement de la fonction publique. Pour prolonger peut-être le propos de mes collègues, moi j'ai voulu prendre un prisme peut-être un peu plus interne, un peu différent, pour vraiment se dire, cette prise en compte finalement des enjeux environnementaux, qu'est-ce que ça représente en termes d'opportunités et d'enjeux pour la fonction publique ? C'est vrai que j'ai le sentiment que ces enjeux environnementaux pendant longtemps ont été plutôt vus comme presque extérieurs à la fonction publique et étaient finalement plutôt un enjeu de politique publique et pas tellement un enjeu d'organisation du travail, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, cette transition écologique, ce dérèglement climatique percute de plein fouet nos pratiques, nos conditions de travail, nos manières aussi parfois de penser le travail, voire même de servir l'intérêt général. Et c'est un peu là-dessus que j'avais envie de revenir aujourd'hui. Notamment parce que la fonction publique, face à tout ça, elle est quand même en première ligne face à ces enjeux de transition écologique. Elle doit s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique. Elle doit accompagner les transformations nécessaires. Et en plus de tout cela, elle doit incarner les évolutions qu'on attend, qui sont attendues par la société. Du coup, pour moi, j'ai l'impression que vraiment ce qui se dégage, c'est qu'effectivement, la transition écologique, elle concerne certes nos politiques publiques, mais elle concerne aussi, du coup, mécaniquement nos métiers, nos manières de manager, nos organisations de travail et, du coup, notre rapport aussi au travail. Et j'avais envie de revenir sur un peu trois grands points par rapport à cette vision-là. La première, c'est les questions d'attractivité, de rétention des talents que posent ces enjeux d'inclure la transition écologique dans nos pratiques et nos politiques publiques, parce qu'on a des agents comme des citoyens qui attendent de l'État qu'ils s'engagent et qui donnent sens à l'action publique. Et la transition écologique en est forcément un des pans. Le deuxième axe pour moi, c'est ces questions de santé au travail. On a un peu parlé de ces enjeux de santé, on commence à en parler dans notre quotidien, mais il y a aussi un vrai enjeu de santé au travail de nos agents publics face à ce dérèglement climatique avec des conditions de travail qui sont impactées et derrière des enjeux de continuité du service public. Et le dernier point, c'est, pareil, on l'a un peu abordé, l'enjeu finalement d'exemplarité de notre fonction publique et que cette exemplarité-là, c'est aussi en même temps une formidable opportunité pour nos services publics de recréer ce lien entre la fonction publique et la société, lien qui peut-être aujourd'hui commence à être un peu fragilisé. On voit depuis plusieurs années un certain fonctionnaire bashing dont Émilien sera plus expert que moi, mais je pense que vous en conviendrez tous. Alors peut-être sur ce premier axe des questions d'attractivité, de rétention des talents, je vais prendre le prisme des jeunes, hein, pardonnez-moi, mais c'est notre objet d'étude à FP21 et je me sens un peu particulièrement concernée aussi. Peut-être pour vous donner quelques chiffres, parce qu'effectivement, on entend souvent parler, les jeunes sont intéressés par la transition écologique, certes, mais on le voit aussi dans les études, dans les chiffres. Aujourd'hui, c'est 70% de la génération Z. La génération Z, c'est ceux qui sont nés à partir de 1995, 97 pour certains experts. 70% d'entre eux se disent prêts à renoncer à une offre d'emploi s'ils considèrent que l'employeur ne va pas assez loin en termes de transition écologique. Autre chiffre, 80% d'entre eux cherchent un travail qui est utile et qui respecte les enjeux environnementaux. Ça, c'est des chiffres d'une étude Harris Interactive et pour un réveil écologique. On pourra peut-être faire passer les liens si vous en avez besoin avec plaisir. Et donc ça, c'est des chiffres à l'échelle française, bien entendu, public-privé mélangé. Mais à l'échelle monde, on retrouve aussi cette tendance qui qui s'accroît avec 53% des jeunes qui cherchent un travail aligné avec des valeurs climatiques, d'après une étude de l'UNICEF. Donc tout ça, mécaniquement, ça nous impose de prendre en compte ces enjeux-là, et pas seulement être véritablement dans l'action et pas seulement dans les mots. Mais si on tire un peu le fil, comment on fait pour justement donner voix à ces jeunes et leur permettre et leur montrer qu'on s'engage pour la transition écologique? À mon sens, ça pose des enjeux de repenser en fait nos modes de gouvernance et de décision, notamment pour donner un peu plus de place à nos jeunes dans ces processus-là. On a 71% des jeunes qui considèrent qu'ils devraient exercer une influence forte sur les politiques publiques. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas énormément quand même de cet enjeu-là. On a aujourd'hui la chance d'avoir une jeunesse qui souhaite s'engager, qui a envie de prendre part au processus de décision. Ce chiffre, pareil, il est tiré de l'étude UNICEF. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que ça peut paraître contre-intuitif, quelque part. Les jeunes portent cette vision, cette capacité d'indignation, de s'étonner, puisqu'on découvre le monde. Mais en même temps, on est ceux qui ont le moins encore d'expérience et d'expertise. Ce qui fait que parfois, réconcilier jeunes et pouvoir, ça pose quand même des enjeux qui peuvent paraître un peu antagonistes. Pour autant, il me semble que c'est vraiment là le sujet. Il y a des expériences qui ont été un peu menées, notamment plus dans le secteur privé, de shadow comex, avec des comex de l'ombre composés de jeunes à haut potentiel qui viendraient animer aussi, soit prendre part au comité exécutif, soit animer un comité exécutif avant celui des grands chefs pour apporter peut-être leur vision et leur point de vue sur les grandes décisions. Alors malheureusement, ça n'a pas été très concluant comme expérience, notamment parce que les moyens derrière qui ont été mis en place n'étaient pas à hauteur de l'enjeu, ne serait-ce que par exemple dégager du temps de travail pour ces jeunes pour participer à ces COMEX. On pourra y revenir si ça vous intéresse un peu plus longuement. Moi, ça me fait aussi penser au Collège des jeunes qui a été lancé côté DGAFP sur la revue stratégique. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui existent, il y a des dispositifs, et les idées sont assez faciles, je pense, à imaginer pour essayer de recréer ce lien entre jeunes et pouvoir. Un autre enjeu, peut-être, justement, dans ces questions d'attractivité et de rétention, il me semble que la transition écologique, elle pose aussi un enjeu de nouvelles compétences. On a parlé un peu de compétences dures quelque part et de cette montée en compétences-là, mais on voit tout un prisme aussi de compétences douces qui deviennent de plus en plus nécessaires. Je vous invite à lire l'étude faite par Brieux de Roscoat sur les soft skills nécessaires à l'innovation. Mais pour moi, ça se transpose vraiment très très bien. Et on a tout un prisme de nouvelles compétences qu'on doit rechercher dans nos recrutements au sein du service public, qu'on doit valoriser et qu'on doit développer, notamment pour les agents qui sont déjà en poste. Et parmi ces nouvelles compétences-là, Brieux de Roscoat parle justement des compétences conatives. Moi, je ne connaissais pas ce mot-là. On a les compétences émotionnelles, cognitives. Et les compétences conatives, c'est la capacité de passer à l'action. Je pense que vous voyez du coup, le parallèle avec la transition écologique est assez évident. Et parmi ces différentes compétences conatives, on a notamment la persévérance et le leadership. On sait que la transition écologique, elle demande des choix qui vont être ambitieux, qui vont être difficiles. Elisa parlait aussi du fait que certains parfois ont du mal à se reconnaître en tant qu'experts alors qu'ils le sont. Donc comment on fait pour émerger ce leadership de la part de nos agents publics qui sont porteurs de solutions. Et une autre compétence que je trouve très intéressante, qui est celle d'une tolérance à l'ambiguïté, la capacité à ne pas se sentir complètement dépourvu face à des changements, ne pas avoir peur de l'inconnu. Et on sait que la transition écologique, elle demande des transformations, des changements tellement profonds qu'on va vers une transformation totale, avec différents éléments, y compris scientifiques, où on ne sait pas. En fait, on s'inscrit mécaniquement dans un champ de l'incertitude. Et peut-être plus généralement, puisque j'ai parlé effectivement des jeunes, mais cet enjeu de la transition écologique, elle concerne toutes les générations, et c'est l'occasion justement de recréer aussi peut-être du lien entre elles. D'après une étude Jean Jaurès, par exemple, pour les seniors, une des thématiques qui les interroge le plus, c'est comment je fais pour préserver ma santé. Et il me semble qu'effectivement, les enjeux de transition écologique, c'est aussi et d'abord parfois des enjeux de santé, et notamment de santé au travail, ce dont on parle beaucoup moins. Alors face au dérèglement climatique, il y a des nouveaux risques en fait qui émergent, dont on ne prend pas encore forcément pleinement toute la mesure, notamment dans nos plans de prévention. On a des risques physiques, on a des risques environnementaux et on a des risques psychosociaux qui impactent de plus en plus durement nos agents publics, mais aussi les salariés, bien sûr, du secteur privé. Parmi ces nouveaux risques, on a les risques thermiques. Je pense que chacun l'a un peu forcément à l'esprit, de se dire que quand on a nos agents de la propreté qui travaillent en pleine canicule, mécaniquement, ça va poser problème. On a aussi nos agents qui sont à l'intérieur des bureaux, qui sont peut-être mal isolés, qui sont exposés à des canicules, à des froids extrêmes, etc. Bon, ça paraît assez évident, je ne reviens pas trop dessus. On a les enjeux de pollution qui deviennent de plus en plus prégnants dans les débats. À Marseille, je crois que c'est la ville qui a mené justement une étude d'équiper tous les agents de propreté des écoles de bracelets pour mesurer l'exposition aux polluants. Ils se sont rendus compte qu'effectivement c'était un vrai sujet de par les produits qu'ils utilisaient, mais qu'en plus cette exposition aux polluants était renforcée en période de canicule, notamment parce qu'on transpire et du coup là il y avait une surexposition aux polluants. On a aussi, face à la pollution, le risque d'aggraver des pathologies existantes pour des agents qui sont asthmatiques et qui se retrouvent à travailler dehors dans des climats très pollués ou à l'intérieur avec un air de pauvre qualité. Ça pose sujet. On a des risques biologiques dont on ne parle pas énormément, mais encore une fois, à nos agents qui sont dehors, aujourd'hui, avec nos climats qui deviennent de plus en plus exotiques, on voit une prolifération, par exemple, des moustiques tigres. Et demain, dans quelle mesure il faut en tout cas se questionner de la protection de nos agents publics qui se retrouvent exposés à ces risques, ces nouveaux risques biologiques, parce qu'on est dans des zones où infestées par exemple de moustiques tigres. On a aussi des saisons polliniques qui deviennent de plus en plus longues. Donc pareil, pour un agent qui est allergique, on se retrouve à devoir l'exposer de manière de plus en plus longue sur son temps de travail. Et enfin, on a les enjeux de santé mentale. Bien sûr, on en a parlé de l'éco-anxiété qui touche un peu plus durement quand même les jeunes. Les enjeux de perte de sens, hein, mécaniquement, quand on attend de s'engager pour la transition écologique et qu'on ne retrouve pas une action suffisante dans son quotidien de travail, ça peut engendrer une perte de sens, ça peut engendrer des conflits de valeurs qui sont aujourd'hui avérés comme étant un des éléments des risques psychosociaux. Mais on a aussi les enjeux, par exemple, pour des agents de guichet qui se retrouveraient à accueillir de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement, des citoyens de plus en plus sinistrés. Pensez mécaniquement, malheureusement, aujourd'hui en France, chaque été, on sait qu'on a des pénuries d'eau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de la santé mentale de nos agents en guichet dans des collectivités territoriales qui, mécaniquement, tous les étés, se retrouvent à accueillir un public qui est de plus en plus sinistré, qui a peur pour sa santé, pour sa sécurité, et qui sait que, mécaniquement, la problématique ne va faire que s'accroître. Ça, c'est un vrai enjeu aussi de santé mentale, pareil, qu'on essaye de factualiser, mais qui est encore peu présente dans le débat public, je trouve, et derrière des enjeux en fait d'intensification du travail de par le dérèglement climatique. Alors tout ça, forcément, ça pose la question de jusqu'où l'employeur doit-il aller. C'est pas aussi évident. Il y a une frontière qui, à un moment, l'employeur, qu'il soit public ou privé, ne peut pas tout. En même temps, c'est de sa responsabilité de préserver la santé de ses agents publics. En tout cas, c'est une vraie question qui devra être issue justement d'un débat démocratique. Et heureusement pour ça, on a le dialogue social. Mécaniquement, du coup, ces enjeux de santé au travail, elles nous imposent d'un point de vue de la fonction publique d'anticiper et d'adapter la prévention telle qu'on la pense au sein de nos organisations. Alors en termes d'organisation du travail, par exemple par rapport aux horaires, peut-être par rapport à la révision de certains objectifs face à certaines périodes, et comment finalement on organise le travail. Aujourd'hui, il y a un contentieux en cours dans une collectivité qui, suite à des inondations, a fermé sa crèche et n'a pas donné de réponse claire aux agents de ce qu'ils devaient faire, si ce n'est de leur dire poser un jour de congé. ce à quoi les agents de puériculture se sont opposés en se disant « mais je ne suis pas obligée de poser un jour de congé ». En tout cas, là, on est face à un fait qui est assez nouveau, qui pourrait se produire de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait face à cette question-là ? Aujourd'hui, les seuls outils qu'on a face à ces questions-là, c'est des outils juridiques, à savoir de poser la question devant le juge. Ça pose aussi la question d'adapter nos équipements, nos environnements de travail, les véhicules, les vêtements de protection, la qualité de l'air intérieur, etc. Donc tout ça, pour en finir sur ce deuxième aspect-là, c'est vraiment un enjeu aussi en termes du coup d'analyse, en termes d'unité de travail et non plus de métier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de métiers qui a un prisme beaucoup plus RH. Quand on parle de métiers, derrière se cachent des missions générales, mais deux personnes qui exercent le même métier ne sont pas nécessairement exposées aux mêmes risques, notamment parce qu'il y a des questions d'environnement de travail, peut-être d'horaires de travail, qui ne sont pas les mêmes d'une administration à une autre, d'un territoire à un autre, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en termes de prévention, on préfère y accoler à cette réflexion de métier, cette réflexion d'unité de travail, qui est encore parfois à ses prémices. Parce que l'unité de travail, elle permet justement de regrouper des agents qui peut-être ont des métiers différents, mais qui sont exposés à des mêmes risques pour inventer des solutions peut-être un peu plus collectives. Et tout ça, je vous l'ai dit en introduction, mais ces enjeux de santé au travail, c'est un enjeu de forcément préservation de la santé de nos agents pour qu'ils puissent continuer à assurer leur mission et donc mécaniquement des enjeux de continuité aussi du service public. Et mon dernier point, c'était des questions, il me semble, mécaniquement d'exemplarité. La transition écologique, elle renforce peut-être cette attente qu'on a envers notre État, envers notre fonction publique, d'incarner effectivement ces évolutions qui doivent s'opérer dans notre société, d'ouvrir la voie. Et en même temps, je le disais, il me semble que justement c'est un prisme qui est peut-être lourd à porter, mais qui représente aussi une vraie opportunité pour nos services publics. Alors effectivement, justement, Elisa s'interrogeait sur les conditions qui permettent de s'engager, mais aussi il faut se poser la question de comment on fait pour susciter cet engagement. Et je pense qu'il y a des pistes, effectivement, du côté de ces enjeux d'exemplarité. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fonction publique, aujourd'hui, c'est un actif sur quatre. Ça veut dire que on a la capacité d'être un levier massif de transformation sociale, puisque chaque chose qui sera mise en place au sein de la fonction publique, mécaniquement, a le potentiel d'irriguer au sein de notre société. Chaque évolution, chaque norme, chaque pratique va toucher potentiellement au-delà de la fonction publique, au-delà du fait que la fonction publique est déjà plus de 5 millions d'agents. Et ce que ça pose, c'est qu'il faut avoir en tête que toute connaissance qui est acquise en tant qu'agent public, elle l'est aussi acquise mécaniquement en tant que citoyen. Donc on voit en fait ce pouvoir transformationnel que peut incarner la fonction publique, parce qu'il y a mécaniquement une multiplication des impacts de ce qu'elle mène au sein de la société, et ce qui est assez crucial à mon sens, à l'heure où les enjeux de transition écologique posent des enjeux d'inventer de nouvelles normes sociales. Donc on a besoin d'avoir cet aspect un peu massif. C'était d'ailleurs, je pense, un peu l'un des objectifs de la circulaire Borne sur la formation des hauts fonctionnaires. L'enjeu principal, c'était de poser une culture commune, voir se dire quand on parle de transition écologique, est-ce qu'on met derrière tous les mêmes termes, sensibiliser à ces enjeux aussi d'exemplarité, notamment de la part de nos hauts fonctionnaires par rapport à ces enjeux de transition écologique. Mais il me semble qu'il y a aussi cet enjeu de se dire... À chaque fois qu'on forme un agent public, on forme aussi un citoyen de notre société. La deuxième opportunité, pour, à mon sens, pour la fonction publique face à ces enjeux-là, c'est finalement mécaniquement d'incarner l'intérêt général, ça on le sait déjà, mais de réaffirmer le fait que l'administration permet d'incarner l'intérêt général sur le temps long. Puisqu'on sait que quand on parle de transition écologique, on est dans des mutations qui sont tellement profondes, en même temps on est dans une urgence, mais on a des impacts positifs qui vont parfois apparaître à 10, 15, 20 ans. Donc on s'inscrit nécessairement parfois dans nos actions, dans nos politiques publiques, dans un découpage qui ne correspond pas au temps politique, au temps du mandat. Et mécaniquement, la transition écologique impacte nos manières du coup d'agir, de décider, de produire l'action publique. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, puisqu'on a une fonction publique aujourd'hui qui est extrêmement jugée à sa capacité de faire, à sa capacité de produire. Aujourd'hui, quand on vote, quand on élu un maire ou n'importe quel élu, on vote pour un programme, on vote pour une liste d'actions, et au terme du mandat, on s'attend à pouvoir faire les comptes de quelle action a été menée ou non. Et les enjeux de transition écologique nous imposent parfois justement à ralentir, à parfois se poser la question que ce qui le mieux à faire, c'est de ne rien faire, ou voire de peut-être baisser un peu nos standards. Et donc on rentre un peu dans ces enjeux face à une certaine frugalité parfois et des décisions de se dire le mieux, c'est de ne rien faire. On rentre en conflit avec cette manière qu'on a de juger et d'apprécier la qualité de la fonction publique. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il faut, c'est l'opportunité en fait de effectivement réinscrire ce temps long et de se dire peut-être qu'on va se tromper, peut-être qu'on va abaisser des standards, mais c'est parce que l'objectif arrivera dans 10, 15, 20, 25 ans. Et un des points là-dessus, c'est nécessairement cet enjeu de quel droit à l'erreur on pose. D'ailleurs, je pense que c'est un peu lié à cette perception aussi de l'engagement. J'ose m'engager parce que je sais qu'on reconnaît mon droit à l'erreur. Peut-être qu'on en parle beaucoup et que ça peut vous paraître un peu bateau, mais c'est vrai que la transition écologique demande des transformations si profondes que le risque en face, c'est qu'on sait que mécaniquement, les solutions qu'on va proposer, qu'on va mettre en place, elles risquent d'être imparfaites. Plus ou moins imparfaites, voire très imparfaites. Et en fait, il faut tester, il faut essayer, il faut se tromper. Et on sait qu'on a une société française qui n'est encore pas très à l'aise avec ce droit à l'erreur, l'idée de se tromper, etc. Et pour autant, il faut réaffirmer que si le service public, il a tenté, et finalement, là, ça a été un peu un échec, ce que ça montre aussi, c'est que justement, on n'est pas dans l'immobilisme. On essaye de faire, on essaye d'expérimenter. Et ça, je trouve que ça percute beaucoup, encore une fois, notre vision de la fonction publique, où on s'est dit, ils ont mis en place quelque chose, on a mis en place, ça n'a pas fonctionné. Et ça sert certains discours aussi de fonctionnaire bashing, alors qu'on ne pourra pas faire autrement. Essayer de résoudre ces différents enjeux environnementaux, ça devra passer par l'expérimentation. L'expérimentation contient sa propre part d'erreur. Et peut-être le dernier point là-dessus, avant de conclure pour tenir les timings, c'est la question derrière du pouvoir d'agir. Donc lié à cette question du droit à l'erreur, lié forcément à notre capacité à pouvoir porter des décisions institutionnelles. Bon, ça dépend plus de notre action en tant que citoyen et notre implication dans la vie démocratique. Mais il me semble que je pense que c'est important de réaffirmer que ce devoir d'exemplarité, il ne repose pas uniquement sur des décisions institutionnelles. Justement, il repose aussi sur le pouvoir d'agir des agents. En tant qu'agent, on a, ou on devrait, puisqu'on ne l'a pas toujours, cette possibilité justement de questionner nos habitudes, de proposer, d'expérimenter, et justement d'ajuster les choses, d'avancer par tâtonnement peut-être parfois, mais encore une fois, c'est preuve que finalement on avance. Et là, on trouve un levier transformationnel qui est extrêmement puissant, puisqu'à partir du moment où on dit à nos agents publics on reconnaît des enjeux qui sont tels qu'on a besoin de l'énergie et des idées de tous, et qu'on vous donne cette marge de manœuvre pour questionner les faits établis, les modes de faire, tenter, expérimenter. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est extrêmement enthousiasmant, en tout cas. Donc, c'est quand même assez, assez important, notamment parce qu'on sait que notre transition écologique, on a un enjeu, encore et toujours aujourd'hui, de la rendre désirable. À peu près tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle est nécessaire, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde la vit comme désirable, surtout selon les préconisations qu'on pousse. Et du coup, pour moi, ça signifie que la transition écologique, elle représente alors du coup un levier de transformation positive de l'action publique. Et qu'il faut essayer de se dire que justement, la fonction publique a son rôle à jouer pour embarquer et impulser cette transformation-là, et par là même lui permettre de retrouver la place centrale qu'elle a eu, qu'elle devrait avoir, à mon sens en tout cas, dans la société, comme actrice finalement de cette transformation collective. Et pas seulement celle qui vient imposer des décisions, mais qui, voilà, embarque, anime, incarne cette transformation collective extrêmement profonde dont on va avoir radicalement besoin. Alors peut-être pour conclure, effectivement, cette urgence climatique, je pense que vous l'aurez compris, mon point de vue, c'est qu'elle percute la fonction publique et que mécaniquement, ça la pousse à porter une responsabilité particulière puisqu'elle doit protéger, adapter, accompagner les agents publics et les citoyens. Mais c'est par là aussi une opportunité assez majeure pour retrouver cette place centrale au sein de la société, pour incarner concrètement l'intérêt général, l'incarner sur le temps long, répondre aux attentes croissantes de nos citoyens. Et finalement, pour moi, le sujet, c'est vraiment de prendre cette transition écologique comme moteur de sa transformation aussi personnelle, la transformation de la fonction publique, qui va lui permettre de renforcer son rôle, retisser son lien avec les citoyens et finalement, peut-être potentiellement redevenir un repère collectif dans un monde qui aujourd'hui est sans cesse en mutation.